On va parler des aigles de Roberval avec notre ami Simon Godreau. Salut Simon. Salut Daniel. Simon, il y avait des matchs qui se déroulaient. Une bonne nouvelle que tu vas nous annoncer, mais avant tout, il y avait des matchs. On va faire le tour des matchs qu'on le fait habituellement. Et ça s'est déroulé d'abord en cadet division 1. Il y avait un match au programme pour les aigles. Oui, en Benjamin division 1, là, les aigles jouaient à SSF, à Saint-Augustin, là, contre Saint-François. Donc, une défaite là, de 4-3. C'est un match là, où que l'émotion était un petit peu différente là, de l'ordre du tournoi. Quand une équipe sort d'un tournoi, là, on sait que c'est jamais facile. Donc, nos jeunes Benjamin ont trébuché à Québec. Et puis, dans le fond, là, on a eu une bonne semaine de pratique avant les affrontements de la fin de semaine. OK. Et maintenant, donc il y avait un match également qui s'est déroulé. J'ai pas le score, c'est marqué sur le site de la Ligue, c'est marqué 0-0. C'est-tu ça? C'est-tu vraiment ça que ça s'est terminé? Ouais, le deuxième match cadet, là, ce qu'il faut comprendre en cadet et en juvénile, ce qu'on a fait en fin de semaine, on a fait un espèce de petit partenariat avec le tournoi Pee-Wee Bantam de Saint-Félicien. Okay. On a joué nos matchs là, de saison régulière à l'intérieur du tournoi. Donc, pendant que le juvénile jouait à Saint-Félicien samedi, le cadet jouait en même temps à Mastaillage et l'inverse le dimanche. Donc, dans le fond, le cadet le samedi s'est incliné là, par la marque de 2-1. Et puis le lendemain, là, on fait un verdict nul de 0-0. Tandis que nos juvéniles, eux, ont une fin de semaine parfaite de 2 victoires de leur côté, samedi dimanche. Et en plus, avaient une lourde commande, là, jouaient un 3-3. Donc lundi, là, après-midi, jouaient à l'école secondaire de la Camaradière. Une très bonne équipe là, dans la division. Ils étaient deuxième là, à l'heure où on se parlait. Là, si on s'est fait parler dimanche, ils étaient deuxième. On est allé chercher un verdict nul là-dedans, donc une belle récolte là, de 8 points sur une possibilité de 9 là, pour nos juvéniles. Donc, c'est super, c'est une très belle fin de semaine positive, le point de vue résultat. Mais les jeunes ont très bien travaillé là, au niveau du juvénile, on est très fiers d'eux. OK, et donc également, il y avait un autre match qui était au programme hier, et ça s'est déroulé hier plutôt. Exactement. Verdict nul de 1-1. Oui, le verdict nul de 1-1, justement, à la Camaradière, le lundi après-midi. OK. On va y aller maintenant avec la nouvelle que tu voulais nous mentionner un petit peu. Vous aviez déjà 3 équipes et vous vous enlignez pour une 4e équipe. Oui, dans le fond, on a fait une demande officielle là, en cadet division 1 pour l'an prochain, pour la saison 2019-2020. Notre candidature a été retenue. C'est déjà confirmé, donc... Non, c'est pas confirmé. Notre candidature est retenue. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est l'entrevue. Nous allons passer là, une entrevue la semaine prochaine, le 5 février prochain là, à Montréal. Dans le fond, là, on a des critères à respecter. Et puis là, on est en train de préparer justement les dossiers. Donc, on s'en va là-bas là, avec l'idée d'obtenir une 4e équipe de notre pyramide. On veut garder les jeunes dans notre structure hockey. Et bien, logiquement, une pyramide hockey au niveau du RSEQ, au niveau secondaire. En secondaire 1, tu joues Benjamin Division 1. En secondaire 2, tu joues Cadet Division 2. Tout dépendant de ton calibre, si t'es vraiment bon, ça se peut que certains aient joué en cadet Division 1. Mais souvent, c'est pour les jeunes de secondaire 3. En secondaire 4, tu vas jouer maintenant en Juvenile Division 2 et en secondaire 5, Juvenile Division 1. Tout dépendant, si un très, très bon secondaire 4, il peut aller jouer en Juvenile Division 1, ça, il n'y a aucun problème. Okay. Sauf que c'est un petit peu la pyramide là, au niveau de ton cheminement académique et sportif là, au niveau de ton secondaire. Là, tu restes là, dans ta structure sportive. Comme ça, tu grimpes d'année après année là, avec ton niveau. Donc, okay. C'est ça qu'on va aller chercher. On est patient. On a juste fait une demande en cadet division 1. On pense vraiment qu'on a un bon territoire pour le faire. T'sais, on a juste à regarder les jeunes. C'est les jeunes, là, on parle des jeunes qui étaient Pee-Wee l'an dernier. Donc, le Pee-Wee de l'an dernier, c'était une très, très belle cuvée. On se rappelle que Saint-Félicien avait gagné les championnats provinciaux. Puis, régionalement parlant, était en finale contre les Rapides de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'était les 2 équipes là, qui ont fini et qui ont joué en finale l'une contre l'autre régionalement. Donc, là, on s'en va démontrer ça au niveau du RSEQ en acceptant une réponse positive. Sinon, si la réponse est négative, on va devoir malheureusement retrancher des jeunes de notre programme que nous avons éventuellement, parce que c'est sûr que là, notre cadet de 2 et notre juvénile va avoir plusieurs joueurs, donc on n'aura pas le choix à subir des retranchements ou faire des refus à des nouveaux jeunes qui veulent se greffer à notre organisation. T'as-tu de bon espoir? T'as-tu bon espoir que honnêtement? Je crois que notre pourcentage de chance est bon, OK, honnêtement, on a des très bons arguments. Notre programme est pris au sérieux. Tu sais, je veux dire, à notre première année, nous avons fait des très belles choses, là, point de vue, point de vue résultat, mais tu sais, on a diminué le taux d'absentéisme de nos jeunes. On les a rattachés à l'école. Ensuite de ça, notre structure hockey, on a fait notre premier tournoi cette année. On a eu déjà 16 équipes à notre première édition. Tu sais, on a déjà fait rentrer la, on était bon aussi, je pense, pour le RSEQ, le fait qu'on adhère et qu'on ait aidé le tournoi Pee-Wee de Jonquière à avoir une section scolaire à leur tournoi, tu sais. Donc, c'est voir grandir, puis je pense que on a démontré tout notre sérieux pendant cette année-là, puis à suivre pour le reste. OK. Dis-moi, est-ce que cette équipe-là, dans l'éventualité, jouerait à Robertval également, ou il y aurait des possibilités que Saint-Félicien ou même Dolboum-Cessny? Non, tu sais, faut penser, faut voir une logique, là, tu sais, moi, exemple que t'es un parent, tu sais, t'envoies ton jeune en secondaire 1 à Robertval, est-ce que tu veux qu'il aille en secondaire 2 à Saint-Félicien, en secondaire 3 à Dolbeau, revenir en secondaire 4 à Robertval? Okay. Et la commission scolaire, eux, ont ciblé qu'au départ, tout ce qu'il y avait de hockey provincial était basé à la cité étudiante de Robertval. Donc, le cadet D1 est un calibre de jeu provincial au niveau du RSEQ, donc, serait basé à Robertval. OK. Dis-moi, les assistances, comment que c'est? On en a parlé un petit peu en début d'année. Comment que ça va-tu pas pire? C'est-tu intéressant? Oui, les assistances, c'est très bien, mais tu sais, nous, c'est pas quelque chose qu'on regarde, étant donné que c'est une gratuité. C'est pas plus il y a de monde, on fait pas plus d'argent avec ça. Il n'y a aucun changement par rapport à ça. Mais c'est par rapport à c'est tout le temps plaisant. Il y a toujours du monde. Il y a un sentiment d'appartenance avec l'école aussi. C'est ce qui est le fun. Les jeunes de l'école viennent à l'aréna. Puis encore une fois, en fin de semaine, c'était une belle visibilité pour nous. Le fait que nos équipes jouent à l'intérieur du tournoi, ça l'a fait connaître la canette. Puis le niveau de jeu. OK. Ben, on se reparle prochainement. Ça marche. Merci beaucoup, Danny. Simon Gaudreau des Aigles de Robert.